السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc, cher frère, Allah Azza wa Jalla, on continue le résumé explicatif du livre de l'université de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. On est arrivé à la parole de l'auteur qui est Cheikh Al-Islam Muhammad bin Al-Wahhab, Rahimahullah Ta'ala. Wa qawlihi إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. Donc c'est la page 262 pour les frères qui ont la même édition que moi. Et donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: et la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salah, la prière, s'acquitte de la zakat et ne craigne qu'Allah, jusqu'à la fin du verset, Al-Aya. Comme Cheikh Al-Uthaymeen dans Sharh Kitab Tawhid, il dit Takhdir ici, ça peut être Akmil Al-Aya, c'est-à-dire fini le verset, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset. Donc c'est pour ça que l'on traduit jusqu'à la fin du verset. Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il explique cela en disant Tamam Al-Aya, fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Donc c'est le verset 18 de Sourate At-Tawbah. La complétion du verset est, selon la traduction du sens est, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Puis Cheikh Al-Fawzan, comme à son habitude, il fait une explication des termes qui sont utilisés ici dans le verset. Et il dit إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ أي إِنَّمَا تَسْتَقِيمُ عِمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ne peupleront les mosquées d'Allah, c'est-à-dire leur peuplement n'est droit que par l'adoration et l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَإِلَى آخِرِ مَا ذَكَرُ شَرِيْهِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ عَلَى الْوَهَبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْآيَةِ أي الجامعين للكمالات العلمية والعملية. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ceux qui croient en Allah, jusqu'à la fin de ce qu'a cité du verset ici, en tout cas, Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire ceux qui regroupent les perfections en termes de science et en termes d'action. Les kamalat, al-ilmiya ou al-amaliya. Puis il dit, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique le terme en disant walam yakhsha illallah. Al-khashya hiya al-makhafa wal-hiba. Wal-hayba. Wal-muradu bil-khashyati huna ay khashyatu at-ta'zim. والعبادة والطاعة. أما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحد يسلم منها. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله سبحانه وتعالى أو قضاء الله سبحانه وتعالى وتصريفه. Il dit le cheikh ici ولم يخشى إلا الله. الخشية c'est la peur et la crainte. Et le sens de la crainte ici c'est la crainte de glorification et d'adoration et d'obéissance. Quant à la crainte innée, jibiliya, ou naturelle si vous voulez, le mot inné est peut-être mieux, comme la crainte des choses que l'on craint dans ce bas monde, personne, presque personne n'y échappe, le cheikh dit ici. Et il convient de ne craindre à ce sujet que la prédestination d'Allah et sa répartition des choses. فعسى أولئك المتصفون بهذه الصفات. Et donc, peut-être que ceux-là, il se peut que ceux-là, ce sont ceux qui sont caractérisés par ces caractéristiques. أن يكونوا من المهتدين. أي أولئك هم المهتدون. وكل عسى من الله فهي واجبة. أن يكونوا من المهتدين. Qu'il soit du nombre des biens guidés, c'est-à-dire ceux-là sont les bien guidés. Et toutefois, si vous voulez, tout asa, asa avec un signe, asa, on peut traduire ça par il se peut ou peut-être asa, de la part d'Allah est obligatoire. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset est le suivant: lamma nafa ta'ala imarat al-masajid al-ma'nawiyya bil-ibadati 'an al-mushrikina fi al-ayati allati qablaha أثبت في هذه الآية عمارتها. Vous avez un secours sur أثبت. Vous mettez une fatha. عمارة بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. Le sens général du verset est le suivant. Quand Allah le Très-Haut a dénié aux polythéistes le peuplement immatériel des mosquées par l'adoration dans le verset qui précède, qu'est-ce qu'on comprend par peuplement immatériel des mosquées ? Ici, c'est une traduction qui ne reprend pas vraiment le sens, mais c'est la seule qu'on peut trouver en français, c'est la traduction de Ma'nawi, contrairement à Hissi. Hissi, c'est ce qu'on peut traduire par matériel. Hein? Ma'nawi, c'est ce qui est immatériel. D'accord ? Il dit ici, donc je répète la phrase, quand Allah le Très-Haut a dénié aux polythéistes le peuplement immatériel des mosquées par l'adoration, dans le verset qui précède, il a affirmé dans ce verset le peuplement des mosquées par l'adoration aux croyants, qui ont cru de leur cœur et ont mis en pratique par leurs membres et ont été constants dans l'accomplissement de la prière avec ses piliers et ses obligations et ses actes recommandés, actes et paroles, hein, les deux. Le mot ici sunan, il comprend les deux dans la prière évidemment, les actes et les paroles. Même si la parole c'est un acte. Et ont donné la zakat à ceux qui en ont le droit et ont voué une crainte sincère à Allah. Et c'est la peur et la crainte. Maintenant le rapport entre le verset qu'a cité Cheikh l'Islam, Mohammed bin al-Wahhab rahimahullah de Surah Tawbah, avec le chapitre dans lequel s'articule ce verset ici, qui est cité par Cheikh l'Islam Mohammed bin al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit le rapport, al-munasabatul ayati lil-bab, أن فيها وجوب إخلاص الخشية أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله وحده. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset l'obligation de vouer la crainte sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est-à-dire la peur et la crainte qui sont le fondement de l'adoration d'Allah seul. ما يستفاد من الآية, les enseignements tirés de ce verset. أولا وجوب إخلاص الخشية لله وحده. Premier enseignement tiré de ce verset de Surah Tawbah, l'obligation de vouer une crainte sincère à Allah seul. ثانياً أن الشرك لا ينفع معه عمل. Avec l'association à Allah, les actes ne sont utiles en rien. Troisièmement, أن عمارة المساجد إنما تكون بالطاعة والعمل الصالح لا بمجرد البناء. Le peuplement des mosquées ne se réalise qu'au moyen de l'obéissance et des actions vertueuses, et pas simplement au moyen de la construction. Rabi'an, al-hathu ala imarati al-masajidi hissiyan wa ma'nawiyan. L'incitation au peuplement des mosquées de manière matérielle et immatérielle, c'est-à-dire en étant présent, mais par l'adoration et l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla évidemment. On continue dans le chapitre. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين on peut dire aussi من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. L'auteur qu'a la phrase miséricorde, il dit d'après Abu Sa'id qu'a l'agré qui rapporte marfou'an, quand on dit marfou', c'est-à-dire qu'il attribue la parole au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il rapporte en attribuant cela au prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit « Fais partie de la faiblesse de certitude que tu satisfasses les gens en mécontentant Allah et que tu les remercies pour la subsistance venant d'Allah et que tu les blâmes pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. La subsistance d'Allah n'est pas tirée par la cupidité d'un avide et elle n'est pas repoussée par l'inimitié d'une personne haineuse. » Maintenant, Cheikh Al-Fawzan explique les termes et il dit « Du'fa mid-dhammid-dad wa fathiha dhiddul-quwati wa-siha » C'est peut-être pour ça, moi j'ai les deux harakat ici. Peut-être que vous avez la même chose, il y a une dhamma et une fatha. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les deux. Donc « Du'fa » ou bien « Da'fa » c'est la faiblesse en français. Avec une dhamma ou une fatha sur le dad, et c'est le contraire de la force et de la santé. Al-yaqin, diddu shak, wa huwa kamalul iman. Al-yaqin, la certitude, c'est le contraire du doute. Et el yaqin, la certitude, c'est la complétion ou la complétude, pardon, de la foi. Ou si vous voulez, la perfection de la foi. Turdin nasa bi sakhatillah ay tu'thiru ridahum ala rida Allah subhanahu wa ta'ala. Turdin nasa bi sakhatillah, tu satisfais les gens en mécontentant Allah. C'est-à-dire que tu fais passer leur agrément avant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tahmadahum ay tashkurahum wa tuthni alayhim. Wa an tahmadahum, c'est-à-dire que tu les remercies et tu fais leurs éloges. Tu les complimentes. Ala rizqillah ay ala ay ma wasala minhu ilayka ala aydihim bi an tudifahu ilayhim wa tansa al mun'im al mutafaddil. C'est-à-dire ce qui t'en est arrivé en termes de subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur intermédiaire à ces gens-là. Tu le leur attribues et tu oublies celui qui te comble de bienfaits et de sa grâce subhanahu wa ta'ala. Al-mun'imu al-mutafaddilu. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Ici, en kasra, vous changez, c'est en dhamma. Lam yu'tika Allahu. أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله et que tu les blâmes pour ce que Allah ne t'a pas donné, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, si tu leur demandes quelque chose et qu'ils ne te donnent pas, tu les blâmes en raison de cela. Maintenant, le sens général du hadith. Le معنى الإجمالي للحديث. يبين صلى الله عليه وسلم. Évidemment, Cheikh ici, il n'a pas parlé de sihah ou pas de sihah. Si vous regardez en bas de page, vous voyez que il est rapporté par Abu Nu'aym al-Hilya, al-Bayhaqi de Shu'ab al-Iman, akhraj al-Tabarani min hadith Abdullah ibn Mas'ud anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on dure Mu'jamahu al-Kabir, et puis il parle de l'Haythami, il dit wa qala al-Haythami fi majma' al-Zawa'id fihi Khalid ibn Yazid al-Amri wa tuhima bil wada', il était accusé de wada'. Ala kulli hal, nous on rapporte le hadith comme il était rapporté dans le matn, et on l'explique, on a traduit l'explication sur le Fawzan comme il l'a fait. Pour les frères qui veulent savoir plus au niveau de Sihah, ils peuvent faire une recherche à ce niveau-là, inshallah. Donc, le معنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من قوة الثقة بالله والتوكل عليه واعتقاد أن كل شيء بتدبيره ومشيئته ومن ذلك الأسباب إذا شاء الله رتب عليها نتائجها فأدت المطلوب بها وإن شاء منعها من أداء نتائجها وكل ذلك راجع إلى الله فهو المحمود على السراء والضراء والشدة والرخاء وهذا هو كمال اليقين وأما من تعلق قلبه بالناس ومال مع الأسباب فإن لشيئا من الخير على أيدي الناس مدحهم وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بما يؤكد ويوضح مقره في أوله بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله سبحانه وتعالى وحسب حكمته ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهته. Le sens général du hadith. Le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, il met en évidence dans ce hadith ce qui convient aux musulmans en termes de force, de certitude envers Allah. Et de placement de confiance en lui. Et de croyance que toute chose est par son administration et sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et les moyens font partie de cela, al-asbab. Si Allah veut, il en fait découler les résultats. Et donc, il mène à ce qui était voulu. Et s'il veut, subhanahu wa ta'ala, il les empêche de donner des résultats. Et tout ceci revient à Allah. Et il est donc celui qui est loué, remercié, dans la prospérité et dans l'adversité. Dans la facilité et dans la difficulté. Et ceci est la perfection de la certitude. Quant à celui qui a le cœur attaché aux gens et penche avec les moyens, lorsqu'il obtient un bien par l'intermédiaire des gens, il fait leur compliment, et lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il voulait, il les blâme et leur fait des reproches. Celui-ci, sa certitude est faible et son placement de confiance en Allah est déficient. Puis il, alayhi salatu wassalam, a conclu le hadith par ce qui confirme et clarifie ce qu'il a établi à son début, et c'est que donner et empêcher arrivent tous deux par ordre d'Allah. C'est-à-dire donner et ne pas donner. Hein, man'a ici en arabe, C'est le contraire de l'ata, le contraire de donner. Et en fonction de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Très belle parole de Cheikh Sa'di rahimahullah dans son livre qui s'appelle Mawahib. Le Mawahib Ilahiya, ou je ne sais plus comment c'est exactement le titre. C'est un livre où Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah, le titre il m'échappe complètement maintenant, mais c'est un livre où Cheikh Sa'di rahimahullah, il rapporte beaucoup de fawaïd par rapport à des versets du Coran. Il rapporte une belle faïda par rapport à ça, par rapport au risque justement. Il dit, Cheikh Sa'di rahimahullah, que min lutf Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de lutf d'Allah subhanahu wa ta'ala, la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voulez, qu'il donne et il empêche à quelqu'un en fonction de la perfection de sa sagesse et de sa science, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait certainement ce qui est bon pour la personne et ce qui ne l'est pas. Inch'Allah, à l'occasion, on pourra peut-être retrouver la lire comme Cheikh l'a dit, là, mais c'est juste en passant comme ça. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, et puis il a conclu, alayhi salatu wasalam, le hadith, parce qu'il confirme et clarifie ce qu'il a établi à son début. Et c'est que donner et empêcher arrivent tous deux par ordre d'Allah, et en fonction de sa sagesse, et ne reviennent pas tous deux à l'ardeur ou à la cupidité du serviteur, ni à son inimitié ou détestation. Le rapport entre le hadith et le chapitre, munasabat al-hadith lil-bab, anna fihi wujub ta'alluq al-qalb billah fi jalb an-naf'i wa daf'i ad-durr wa khawfihi wa khashyatihi wahdahu wa 'adam al-iltifat ila al-khalq bi madh aw dhamm 'ala ma yahsul min al-i'ta' wa al-man'. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'obligation d'attacher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obtention du bien et le repoussement du mal, et de le craindre et d'avoir peur de lui seul, et de ne pas se tourner vers les gens en les complimentant ou en les blâmant en fonction de ce qu'ils donnent ou empêchent, c'est-à-dire qu'interdisent ou ne donnent pas. Ma yustafadu min al-hadith, les enseignements tirés du hadith. Awwalan wujub tawakkuli 'ala Allah wa khashyatihi wa talabi ar-rizq minhu. L'obligation de placer la confiance en Allah et de le craindre et de lui demander la subsistance à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Deuxième, إثبات القضاء والقدر, l'affirmation du qada wa du qadar. Les ulama disent que ça fait partie des termes إذا اجتمع افترق و إذا افترق اجتمع, c'est-à-dire que ça fait partie des termes que quand ils les citent ensemble, ils ont un sens différent, et quand on n'en cite que l'un des deux, eh bien il veut dire l'autre, il comprend l'autre. D'accord? On avait déjà donné dans certains cours, on avait déjà donné plusieurs exemples de ça. Qui sait me rappeler un exemple? Naam, l'islam ou l'iman. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Naam, le faqir ou le miskin. Naam. Faqir ou miskin, on va dire par pauvre, ça ou là. Mais quand ils sont cités ensemble, ils disent, les ulama disent, iftaraqa ani fil ma'na. C'est-à-dire que le faqir est plus pauvre encore que le miskin. Etc. Donc ça fait partie des termes. C'est une discussion. Cheikh Al-Uthaymin, si vous retournez dans les livres de l'Aqida de Cheikh Al-Uthaymin, il y a quelqu'un qui a fait un glossaire de termes dans l'Aqida pour que tu retrouves dans quel livre Cheikh Al-Uthaymin l'explique. Et d'ailleurs, il reprend l'explication de Cheikh Al-Uthaymin. Donc c'est des mustalah dans l'Aqida qui sont dans un gros volume comme ça. Par exemple, on parle ici de l'Qada. Il va te dire l'Qada, voilà. Cheikh Al-Uthaymin a dit dans tel livre, il a dit ça. C'est bien d'avoir ce genre de livre, ça facilite des fois les recherches. Sinon, dans les fatwa dans l'aqida de Cheikh Al-Uthaymin et dans d'autres livres, Cheikh Al-Uthaymin explique très bien la différence entre le qada ou le qadar quand on veut faire cette différence-là, justement. Troisièmement, ici, adam al-i'timadi 'ala al-asbab, le fait de ne pas s'en remettre aux moyens. Bien sûr, on fait les moyens, mais on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا تقديم رضا الله على رضا المخلوق, faire passer l'agrément d'Allah avant l'agrément des gens. On continue toujours dans le chapitre. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Quiconque cherche l'agrément d'Allah par le mécontentement des gens, Allah sera satisfait de lui et il fera que les gens seront satisfaits de lui. Et quiconque cherche l'agrément des gens par le mécontentement d'Allah, Allah sera alors en colère contre lui et fera que les gens seront en colère contre lui. Rapporté par Ibn Hibban dans son authentique. Cheikh Al-Fawzan explique un terme ici, c'est le terme il tamassa. Il dit ay talaba. Il cherche. C'est pour ça qu'on a traduit ça par chercher ici. Quiconque cherche l'agrément d'Allah. المعنى الإجمالي للحديث لسان جنرال دو حديث يبين صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يحصل به رضا الله ورضا الناس والطريق الذي يحصل به سخط الله وسخط الناس وذلك أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب كوتي سيت بيل بارول ici وذلك أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب وغالب المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح الإيمان من موقف مزعزع الإيمان فالمؤمن يؤثر رضا الله على رضا الناس فيستمر مع شرع الله لا تأخذه في الله لومة لائم فيتولاه الله بنصره لأنه قد اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. On va traduire et l'important pour le salafi c'est sa science qui la transforme en action. Et donc, qu'on pense, nous, dans toutes les situations dans lesquelles on peut appliquer ce qu'il dit le cheikh ici. Et vous allez comprendre, Inch'Allah. On termine d'abord en arabe. وَمُزَعْزَعَ الْإِيمَانِ يُؤْثِرُ رِضَ النَّاسِ عَلَى رِضَ اللَّهِ فَيُحَقِّقُ لَهُمْ مَطْلُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا شَرَعَهُ اللَّهِ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ خَافَ النَّاسَ وَلَمْ يَخَفِ اللَّهَ وَسَيَنْعِكِسُ عَلَيْهِ مُرَضُهُ فَيَنْقَلِبُ حَامِدُهُ فِي النَّاسِ ذَامًّا وَلَنْ يُغْنُ عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فضر نفسه وضر من أراد نفعهم بمعصية الله سبحانه وتعالى. Le sens général du hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en évidence la voie par laquelle s'obtient la satisfaction d'Allah et la satisfaction des gens, ainsi que la voie par laquelle s'obtient la colère d'Allah et la colère des gens. Et ceci car les gens, en raison de leur déficience de connaissance en ce qui concerne les conséquences et de la domination que les influences ont sur eux, il se peut que leur désir entre en opposition avec ce qu'Allah a légiféré, et dans lequel il y a leur bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est là que se distingue la prise de position du croyant dont la foi est authentique, de la prise de position de celui dont la foi est ébranlée. Car le croyant fait passer la satisfaction d'Allah avant la satisfaction des gens, et donc continue avec la législation d'Allah. Et il n'a peur du blâme d'aucun critique. Et Allah l'assiste de son secours, car il a craint Allah. Et Allah le Très-Haut dit, selon la tradition du sens, le verset que vous connaissez sûrement, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Surat Talaq, verset 2. Quant à celui dont la foi est ébranlée, il fait passer la satisfaction des gens avant la satisfaction d'Allah, et donc concrétise leurs souhaits. Et ce même si c'est contraire à ce qu'Allah a légiféré. Et celui-ci, en vérité, a craint les gens et n'a pas craint Allah. Et donc, sa volonté se retourne contre lui, et celui qui le complimente, comment ça va se retourner contre lui? Eh bien, Cheikh le dit, ici, il dit, et celui qui le complimente parmi les gens devient celui qui le blâme. Et les gens ne lui seront en rien utiles. Quant à Allah, et donc, il aura nuit à sa propre personne, et aura nuit à ceux à qui il voulait être utile en désobéissant à Allah, subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب لرابور entre le hadith et le chapitre أن فيه وجوب خشية الله والتقديم رضاه على رضا المخلوق. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'obligation de craindre Allah et de faire passer sa satisfaction avant la satisfaction des gens. Ici encore une fois la langue française elle est faible par rapport à la langue arabe, elle ne permet pas de reproduire toutes les nuances des sens. Le خشية شيخ العثيمين رحمه الله l'explique dans شرح كتاب التوحيد en disant هي الخوف المبني على العلم. Mais c'est la peur qui est basée sur une science. Nous, on traduit crainte et peur. Khashia, peur. Khauf, peur. Taqwa, crainte. Hein? Ma yustafadu min al-hadith. Les enseignements tirés de ce hadith. Wujubu khashiatillahi wa taqdimi ridahu ala rida khalqi. L'obligation de craindre Allah et de faire passer sa satisfaction avant la satisfaction des gens. Taniyan. بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله la mise en évidence du châtiment pour celui qui fait passer la satisfaction des gens avant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة من العواقب السيئة. On oublie le point 3. وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. D'abord le point 3, l'obligation de placer sa confiance en Allah et de compter sur lui. Quatrièmement, la mise en évidence de ce qu'il y a dans le fait de donner préséance à la satisfaction d'Allah comme conséquence, comme résultat louable, bon résultat, et de ce qu'il y a dans le fait de donner préséance à la satisfaction des gens avant la satisfaction d'Allah comme mauvaise conséquence, comme mauvaise conséquence. خامسا أن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. Les cœurs des serviteurs sont entre les mains d'Allah, exalté soit-il. On continue, on rentre dans un nouveau chapitre. Chapitre Bab. قول الله تعالى وعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Sourate Al-Ma'idah, verset 23. Allah le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Al-Ma'idah, verset 23. Cheikh Al-Fawzan, il explique cela en disant Munasabatu al-Bab al-Kitab al-Tawhid. Quel est le rapport entre ce chapitre et le livre d'unicité dans lequel ce chapitre s'articule? أراد المصنف بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله عز وجل لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que l'auteur a voulu par ce chapitre montrer que le placement de confiance en Allah, tawakkul, est une obligation qu'il est obligatoire de vouer de manière sincère à Allah, car il fait partie des meilleures adorations et des degrés les plus hauts de l'unicité. Puis il explique les termes « وَعَلَى اللَّهِ أَيْ لَا عَلَى غَيْرِهِ » et c'est en Allah, c'est-à-dire en Allah et pas autre que lui. « فَتَوَكَّلُوا اِعْتَمِدُوا عَلَيْهِ وَفَوِّضُوا أُمُورَكُمْ إِلَيْهِ » فَتَوَكَّلُوا, placez votre confiance en Allah, placez votre confiance, qu'il faut avoir une confiance. Comptez sur lui, remettez-vous-en à lui dans vos affaires. Al-Ma'na al-Ijmali lil-Aya, le sens général du verset. يذكر تعالى أن موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم متوكلين على الله في هزيمتهم مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. Le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut a dit que Moïse a ordonné à son peuple de rentrer sur la terre sainte qu'Allah leur a écrite et de ne pas retourner sur leurs pas par peur des despotes, mais au contraire de continuer de l'avant sans avoir peur d'eux ni les craindre, plaçant leur confiance en Allah quant à leur défaite, croyant en sa promesse envers eux comme étant véridique s'ils sont croyants. Les enseignements tirés de ce verset, ما يستفاد من الآية أولا وجوب التوكل على الله وحده سبحانه وأن صرف التوكل لغير الله شرك لأنه عبادة. L'obligation de placer la confiance en Allah seul, exalté soit-il, et placer la confiance en autre que lui est une association à Allah عز وجل, car التوكل c'est une adoration. أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي الإيمان عند انتفائه. Le placement de confiance en Allah est une condition pour l'authenticité de la foi, et la foi est niée en son absence. On ne se trouve pas là en son absence. On continue dans le chapitre. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens est, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, jusqu'à la fin du verset. Et justement, Charles Fawzan, dans son explication, il donne la complétion du verset et il dit تمام الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc ça, c'est une des preuves des gens de la sunna pour dire que la foi elle monte et elle descend. يزيد وينقص. Ici زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Et tout ce qui accepte l'augmentation accepte la diminution. La complétion du verset est ce dont la traduction du sens est. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Anfal, verset 2. Puis Cheikh Fawzan, hafidahoullahu ta'ala, il explique les termes en disant « Wajilat quloubuhum khafat min Allah » Leur cœur frémit, c'est-à-dire leur cœur ont peur d'Allah. « Wa ala rabbihim la ala ghayrih » Wa ala rabbihim, en leur Seigneur, pas autre que lui. « Yatawakkaloun yufawwiduna ilihi umurahum wa la yakhshawunahum wa la yarjouna illa iyyah » Afwan. يفوضون إليه أمورهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. يتوكلون. Ils placent leur confiance, c'est-à-dire ils ne s'en remettent dans leurs affaires qu'à Allah. Ils ne craignent que lui et n'espèrent qu'en lui. Le sens général du verset. Le معنى الإجمالي للآية. يصف الله جل وعلا المؤمنين حق الإيمان بثلاث صفات عظيمة هي. Le sens général du verset est qu'Allah le trio décrit les croyants qui croient d'une croyance authentique par trois caractéristiques qui sont. أولاً الخوف منه عند ذكره فيفعلون أوامره ويتركون زواجره. La peur de lui lorsqu'il est mentionné, subhanahu wa ta'ala, et donc qu'il mette en pratique ses ordres et délaisse ses interdits. Et c'est sur quoi il a mis en garde, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, زيادة إيمانهم عند سماع تلاوة كلامه. L'augmentation de leur foi lorsqu'ils entendent la récitation de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Thalithan, wa tafwidu al-umuri ilayhi wa al-i'timadu alayhi wahdah. Ils s'en remettent à lui dans leurs affaires et ne comptent que sur lui. Munasabatu al-ayati lil-bab. Le rapport entre le verset et le chapitre, annaha tadullu ala anna tawakkul ala Allah wahdahu min sifat al-mu'minin. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il indique que le placement de confiance en Allah seul fait partie des caractéristiques des croyants. Ma yustafadu min al-aya. Quels sont les enseignements tirés de du verset? Awwalan, mashru'iyatu tawakkuli 'ala Allah wa annahu min sifat al-mu'minin. Le caractère légiféré de placer sa confiance en Allah et cela fait partie des caractéristiques des croyants. Thaniyan, anna al-iman yazidu wa yanqus. Fa yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah. La foi augmente et diminue. C'est la croyance d'Al-Sunnah al-Jama'a. Elle augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance à Allah. D'ailleurs, il y a le poème des Khams Nounat. Qui le connaît encore? Cheikh Ahmed Al-Ansari l'avait cité et je l'avais cité dans certains cours. Je l'avais même mis sur le site FPF et les enfants à l'école l'avaient hafadou. Personne? Ah, déjà c'est l'iman, tu vas pas te tromper, c'est sur l'iman. Qawlun bil lisan. C'est pas loin, hein, c'est wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. On a celui maintenant, c'est la préférence. تفضل. Hein? تفضل زيد ايوا. عمر تفضل. ما شاء الله تستحق هدية كم يديش خزار ها ستون بير كي باي تسيس كذا بدي تستحق هدايا هدية ها نو بدي you have the right to have a gift okay سوا سوا ها الحمد لله سنسجل البركة فيه. C'est ça, c'est Cheikh Hamel Ansari, il a résumé dans une définition en cinq noun, facilement, qu'on peut facilement se rappeler. Et c'est quoi? C'est Qawlun bil lisan, c'est une parole de la langue. Wa i'tiqadun bil janan, c'est une foi, une croyance dans le cœur. Wa 'amalun bil arkan, et c'est une mise en pratique par les membres. Yazidu bi ta'atir rahman, et cette foi elle augmente avec l'obéissance du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bi ta'ati shaytan. Et là, cette fois, diminue en obéissant à Satan. Si je ne me trompe pas, elle est toujours sur SPF et en un PDF, vous pouvez l'imprimer ou la mémoriser facilement. Et c'est bien de la faire mémoriser à vos enfants, vos proches, etc. Parce que c'est une définition facile en un poème avec cinq nouns qui riment, donc c'est facile à retenir. C'est pour ça d'ailleurs que les ulama mettent ce genre de définition en poème. Et c'est la croyance d'Al-Sunnah al-Jama'a. Hein, c'est bien que nos enfants grandissent avec ça. Donc, tu vois que c'est utile ce que tu apprends à l'école, hein? C'est moi. Alhamdulillah. Donc, on continue ici. On était sur le passage où il a dit, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, أن الإيمان يزيد وينقص, فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La foi augmente et diminue. Elle augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, أن الإيمان بالله يستدعي توكل عليه وحده. La foi en Allah implique de placer sa confiance en lui seul, subhanahu wa ta'ala. رابعاً أن من صفات المؤمنين الخشوع والذل لله تعالى. Le recueillement et l'humilité envers Allah le Trio font partie des caractéristiques des croyants. Donc on fait encore une page et puis on arrête, inshallah. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Le premier verset de sourate Al-Anfal et le second de sourate Al-Talaq. L'auteur qui cherche l'islam, Mohammed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il rapporte un verset, il cite un verset, dont la traduction du sens est « Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. » Vous allez voir que cette traduction, elle est prise d'une traduction officielle, mais je préfère la traduction qui est basée sur l'explication que Cheikh Al-Fawzan va donner, inshallah. Vous allez comprendre pourquoi. Sourate Al-Anfal, verset 64. D'ailleurs, je vais peut-être la changer comme je fais d'habitude. Le deuxième verset, dont la traduction du sens est « Quiconque place sa confiance en Allah, il, c'est-à-dire Allah, lui suffit. » Regardez ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan. « Hasbuk Allah wa man ittaba'aka » En arabe, « Hasbuk Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin » Cheikh il dit « Ay kafik Allah wahdahu wa kafi atba'ik » Voyez comment ça va changer la traduction. Ici, il dit « Allah et ceux qui te suivent te suffisent. » Comment il a traduit ça? Comment il a expliqué ça, Cheikh Al-Fawzan? Allah seul te suffit ainsi qu'à tes suiveurs. C'est pas la même chose que ce qu'on a dit avant. « Fahuwa hasbou, ay kafi » C'est-à-dire, il lui suffit. « Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn » Le sens général des deux versets, « Yukhbiru Allah subhanahu nabiyahu wa ummatahu bi annahu wa wahdahu kafihim, fala yahtajuna ma'ahu ila ahad. » فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده كما جعل سبحانه لكل عمل جزاء فجعل جزاء توكل عليه كفايته للمتوكل فإذا كان الله سبحانه كافيا للمتوكل عليه وحسبه واقيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. Le sens général des deux versets, Allah le Très-Haut informe son prophète عليه الصلاة والسلام et sa communauté qu'il seul leur suffit, et donc ils n'ont pas besoin d'autrui avec lui, et que donc leur placement de confiance et leur espoir ne doivent être qu'en lui seul. Et comme il a donné pour chaque acte une rétribution, il a donné comme rétribution au placement de confiance en lui qu'il suffit à celui qui place sa confiance en lui. Et donc s'il suffit à celui qui place sa confiance en lui et est son protecteur, alors son ennemi ne peut avoir aucune visée en lui. Si tu places vraiment ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te rétribue qu'il te suffira seul subhanahu wa ta'ala, et qu'il sera ton protecteur. Et de quel ennemi tu vas avoir peur à ce moment-là, hein? مناسبه الايتين للباب. Le rapport entre les deux versets et le chapitre, انهما يدلان على وجوب التوكل على الله لانه هو الكافي لمن توكل عليه. Le rapport entre les deux versets et le chapitre est qu'ils indiquent tout de l'obligation de placer sa confiance en Allah, car il suffit à celui qui place sa confiance en lui. Ma yustafadu min al-ayatayn, les enseignements tirés de deux versets. Et avec cela, on arrivera plus ou moins à 45 minutes, comme d'habitude, inshallah. Wujubu tawakkuli 'ala Allah, li'annahu min a'dami anwa' al-ibadah. Premier enseignement, l'obligation de placer la confiance en Allah, car cela fait partie des genres d'adoration les plus importants. بيان فضل التوكل على الله وفائدته وأنه أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. La mise en évidence de la vertu du placement de confiance en Allah et son utilité et que cela fait partie des moyens les plus importants pour obtenir le bien et repousser le mal. ثالثا وأخيرا أن الجزاء من جنس العمل. Cette fameuse règle qu'on a déjà citée, dont on a déjà cité beaucoup de preuves dans des cours précédents, la rétribution est du type de l'action. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. والله أعلم وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.